Bonjour, moi je suis Andropovitch, je travaille aussi sur Red Universe. J'ai pendant pas mal de temps été à la fois acteur, monteur, relecteur et assistant de réalisation sur Red Universe. Le fait que Red Universe soit écrit dans le but d'être à la fois un livre et une œuvre sonore la rend particulièrement apte à être évoquée par rapport au sujet. Et on y reviendra en fait après la présentation d'Adastria, de Prototype. Merci, bonjour à tous. Donc moi c'est Adrien Mangold ou Adastria sur Internet. Avant de parler de Prototype, j'ai travaillé un petit peu sur Red Universe aussi en tant que relecteur. Et en ce moment je me consacre entièrement à Prototype en tant qu'auteur, acteur, monteur, illustrateur de temps en temps. Et donc c'est une adaptation un peu particulière puisque ça part d'un roman qui n'est pas fait pour être une saga audio à la base, mais on y reviendra juste après, je pense. Voilà. Maintenant je parle de ce que j'ai réalisé. Du coup, pure saga, notamment des adaptations de textes de théâtre d'un auteur de fin 19e, 20e siècle qui s'appelle Octave Mirbeau, qui a écrit des dialogues tristes. J'ai adapté des textes sous le titre de Dialogue mondain, qu'on pourra diffuser un extrait d'ailleurs. On peut diffuser un extrait de Red Universe et de Dialogue mondain, par exemple, si c'est possible, à la régie. Ça vient. Musique d'ascenseur. Du coup, le temps qu'il trouve, je peux continuer en disant que j'ai également... Petit défaut technique, on règle ça. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais expliquer pourquoi j'ai adapté ces dialogues mondains. En fait, je suis assez fanat de tout ce qui est droit d'auteur. Je m'intéresse beaucoup à l'évolution du droit d'auteur. Et j'en cherchais, en fait, à la base, d'adapter des textes du domaine public, vraiment n'importe lesquels, et en lisant sur Wikisource. Ah, c'est bon. Eh bien, écoutez, je vais laisser la diffusion. Chapitre. L'envol de Materwan. Petite voiture roulait au pas le long de l'avenue surplombant le spatioport. L'odeur des vapeurs de talbium et les bruits de klaxons de l'embouteillage étaient relativisés par les lourds vrombissements des réacteurs d'orthoptères qui effectuaient leurs incessants va-et-vient aériens entre le transporteur et les destinations environnantes. L'évacuation prendrait, dans le meilleur des cas, au moins une journée supplémentaire, et uniquement pour ce secteur, comprenant plusieurs milliers de kilomètres. En attendant, la file faisait du surplace et Phil Good s'ennuyait. Il voulait changer la piste en cours de lecture sur son baladeur, mais hésitait sur la suivante. Si vous deviez écouter une ultime musique de votre planète natale avant de la quitter définitivement, laquelle choisiriez-vous ? Il effleura son choix du bout de l'index. Ce serait une ancienne musique traditionnelle de ces montagnes, là où il naquit et où son oncle lui rabâchait ses jeunes oreilles d'alors de ses mélopées semi-organiques. Elle lui semblait pourtant si ringarde et si dérisoire à l'époque. Les temps changent. Ok, donc ça c'était Red Universe, donc le premier chapitre. le premier chapitre, premier épisode. Donc l'histoire, est-ce que je raconte l'histoire du coup ? On n'a pas raconté l'histoire. Ce serait trop long. Donc effectivement, il y a quand même actuellement, il y a 35 heures environ d'écoute. L'histoire de Red Universe, c'est sur une planète qui s'appelle Batter One. Il y avait une monarchie qui était en place et il y a une révolution, la révolution Castix, qui renverse le pouvoir en place et qui propose à ceux qui sont déchus et à ceux qui veulent partir, qui ne sont pas d'accord, qui s'enlèvent dans des vaisseaux spatiaux vers une lointaine planète qui s'appelle Antares 4. Et du coup, l'histoire, ça suit à la fois l'exode des exodés vers cette planète. Au total, il y a 7 transporteurs avec plusieurs. Combien 1,5 million de personnes par transporteur, je crois. Et ensuite, on suit également ce qui se passe sur la planète Batter One, comment la dictature en fait, se met peu à peu en place. Et donc voilà. Ensuite, est-ce qu'on diffuse un extrait de dialogue mondain ? Oui, allô ? Un extrait de dialogue mondain, le poitrinaire, par exemple. Donc, en fait, je l'avoue, on l'a choisi parce que celui qui est à la régie joue dedans. Il joue le narrateur qui commence l'histoire. Rose est parfumée par l'ombre odorante des mimosas. Devant la terrasse, des jardins en pente, plantés de palmiers, d'oliviers et d'eucalyptus, descendent doucement, semés çà et là de villas claires, jusqu'à la mer. La mer est toute bleue, et sur sa surface immobile, criblée de paillettes étincelantes, au loin, passent de blancs vols de barques. Au-dessus, le ciel est pur, d'un bleu qui va se poudrant d'or et se lavant de rose à l'horizon. Sur la route qui longe le pied de la terrasse, des promeneurs, des voitures se croisent sans cesse. Une joie circule dans l'air. Le soleil met une gaieté charmante sur toute chose alentour. Le poitrinaire est assis, presque couché dans un grand fauteuil, parmi des coussins. Sa tête repose sur un oreiller où l'ombre des feuilles voisines dessine de mouvantes arabesques. Il est pâle, d'une pâleur cireuse, avec une roseur pourprée aux pommettes et dans ses yeux humides, un presque surnaturel éclat. Il a les mains, des mains longues et décharnées, posées sur un plaid très chaud qui lui enveloppe les jambes. Près de lui, sa mère se livre, distraite et douloureuse, à un vain travail de crochet. Elle le regarde souvent, rajuste le plaid, cale les coussins et se remet à faire aller ses aiguilles. La brise apporte un bruit lointain de chanson. Comment es-tu, mon enfant ? Mais je me trouve bien, je me trouve très bien. Ouais, je crois que je suis bien. Est-ce que cette brise ne te gêne pas ? Oh non, cette brise est bonne, il fait si beau, et puis cette mer, je me trouve bien. Si nous rentrions, veux-tu ? Je vais appeler. Oh non, pas encore. Mais je ne suis pas malade. Je suis faible, un peu, voilà tout. Je suis enrhumé, mais je ne suis pas malade. Sans doute, mon enfant. Ah, je ne voudrais pas être malade. C'est si triste d'être malade. Comment va cette pauvre fille d'à côté ? Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Je pense qu'elle va mieux aussi. Je pense qu'elle va mieux aussi. Pourquoi dis-tu aussi ? Je ne suis pas malade, moi. Est-ce que je suis malade ? Voilà, donc c'était l'épisode du poitrinaire. Donc j'ai pas adapté tous les sketchs, hein, je crois qu'il y en a 25 en tout, j'en ai adapté que 6. C'est vraiment, je les ai choisis parce que les textes me plaisaient beaucoup. Dans la plupart, c'est vraiment des scènes un peu de vie mondaine, assez critiques envers la société, mais le poitrinaire, il y a quand même un fond assez, je trouve, très poétique, avec ce malade qui refuse sa maladie. Le texte d'introduction, qui a été très difficile à enregistrer, hein, c'est vraiment un texte du 19e, avec plein de lourdes phrases. Je crois que Saint-Yvan pourra en confirmer lors de l'enregistrement, il a beaucoup bafouillé. Pourquoi j'ai adapté Dialogue Mondain ? Quelles sont ses spécificités ? Donc là, au niveau de Dialogue Moulin, c'était des pièces de théâtre, enfin des petites scénettes qui sont parues dans le journal donc fin 19e siècle. Alors je ne sais plus, c'était le truc de Paris, enfin un journal qui n'existe plus. Et du coup, ça a été assez facile au niveau juste du travail d'adaptation. Je n'avais pas modifié le texte. Mais c'était vraiment au niveau des ambiances. Des musiques. Alors, ce que je voulais, en fait, vu que l'œuvre est dans le domaine public, je voulais, en fait, que ça utilisait des musiques libres, vraiment avec, pour licence, au moins, Creative Commons by, c'est-à-dire bah, citer, il faut citer l'auteur en diffusant, et je voulais pas mettre d'autres contraintes comme l'usage non commercial ou de travaux dérivés pour vraiment être un peu dans un esprit de domaine public volontaire. Mon idée, c'était vraiment que bah, si vous téléchargez les trucs, vous pouvez les vendre et vous faire de l'argent dessus sans aucun souci. C'est pour ça que j'ai enregistré moi-même les bruitages où j'ai utilisé des bruitages du domaine public ou libre. Là, à l'extrait que vous avez entendu, il y a deux bruitages. Il y a un bruitage libre de Fête foraine et un bruitage libre de Bruit de vagues que j'ai réussi à bien caler au niveau sonore pour faire un bon duo. Et plus tard dans la scène, il y a des bruits de verre, des bruits de palques, des bruits de médaillons que j'ai enregistré moi-même, qui étaient vraiment intéressants. Et du coup, voilà pour l'adaptation. Ensuite, on va passer à Red Universe. Du coup, en fait, Red Universe aussi, quand vous, l'extrait que vous avez entendu, c'est très, très narré, en fait. Il y a beaucoup de narration. Et du coup, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle, qui se pseudonyme Raoulito, qui a écrit, en fait, tous les textes, et avec des gens à la relecture, pour éviter faute de grammaire, de prononciation, petit bug de scénario du style le beau brun aux cheveux blonds qui est déjà arrivé une ou deux fois dans les textes. Et du coup, je vais laisser peut-être la place au monteur de Red Universe pour expliquer vraiment son travail. Alors, avant d'expliquer mon travail, par rapport au thème qui est l'adaptation réellement en fiction sonore, là où Red Universe a été créé vraiment dans un but d'être une fiction sonore et à la fois un roman, ça a été une décision prise vraiment au tout début, où par rapport à un texte où vraiment c'est au lecteur de s'imaginer un monde et, à partir vraiment du texte et où c'est lui qui a toute la liberté, pour avoir plus... pas d'implication, mais d'être plus plongé dans l'univers, on peut soit rajouter des éléments audio, soit faire des éléments vidéo, donc avec un film ou des séries télé. Et là où l'audio a le gros avantage d'avoir une dimension supérieure à avoir seulement un texte, ça permet aussi de le faire avec un budget plus réduit, sur des temps de production beaucoup plus courts. Et là où Red Universe a actuellement environ 35 heures d'audio produit, c'est grâce à ça et à l'équipe qui est derrière, et au fait de produire 5 minutes chaque semaine, on peut avoir vraiment un univers très développé où les auditeurs sont vraiment plongés dans l'histoire, donc grâce au texte qui est écrit et qui développe l'histoire, mais en plus des bruitages qui permettent de se représenter de façon bien plus précise ce qui se passe, et des musiques. On a vu dans l'extrait qui a été passé tout à l'heure une place très importante laissée aux musiques, qui sont des musiques pour les épisodes, pour les chapitres qui ont été refaits une fois que toute l'équipe, avec plus d'expérience, des musiques originales faites spécialement pour les épisodes. Et ça ajoute vraiment une plus-value au travail qui est effectué. Le compositeur est Yann, qui est actuellement à la convention. Je ne pense pas qu'il soit dans la salle actuellement. Mais il est au stand Radiosphère et Red Universe qui se situe plus derrière moi actuellement et qui représente actuellement le collectif Soundstorm. Voilà. Par rapport à mon travail dans la production de fiction sonore, j'ai été donc monteur pendant pas mal de temps et c'est vraiment le monteur qui va permettre de donner toute une dimension plus importante au texte, donc en prenant les voix des différentes personnes, en les mettant ensemble, en donnant une dynamique et une cohérence aux différents dialogues, en faisant en sorte que ça s'enchaîne bien, en rajoutant une ambiance. Et c'est un travail qui prend beaucoup de temps, mais qui est extrêmement important. Là où Red Universe, c'est une grosse équipe, une quinzaine de personnes actives en ce moment, on a sur prototype, transition, une seule personne qui travaille actuellement, et c'est un travail d'autant plus important et d'autant plus remarquable. Et Adastria va maintenant vous en parler. Merci pour ce compliment, Andro. Merci. Alors, j'aimerais quand même nuancer un tout petit peu ce qui a été dit. Tout à l'heure, Andro, il me semble, disait que le lecteur était libre d'imaginer l'univers qu'il lisait dans un livre. Cette liberté-là, on va la perdre forcément quand on va adapter un texte à l'audio, tout comme on la perd d'ailleurs, comme on adapte un livre au cinéma. Vous en êtes tous victimes, je pense. Donc, effectivement, c'est une plus-value que d'apporter de l'audio sur un texte, mais il n'y a pas que des avantages. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui préfèrent le texte brut, et il y en a qui préfèrent de l'audio, il y en a qui préfèrent un film. Faut avoir conscience de ça et pas se lancer un peu... lancer toute son énergie dans une production en pensant que ça va être accueilli à bras ouverts par tout le monde. Il y a un public cible derrière qu'il ne faut pas négliger. Alors, pour parler un peu donc de l'adaptation de l'écrit à l'audio de prototype, je pars un petit peu, comme pour les dialogues mondains de Silverson, d'un texte écrit uniquement pour être lu à la base, un roman en fait. Et il y a un travail d'adaptation supplémentaire, je pense, par rapport à de l'écriture qui est directement faite pour passer à l'audio, comme c'est le cas pour Red Universe. Quand on part d'un roman, on a déjà beaucoup de passages narratifs. Alors, il y en a certes dans Red Universe également, mais il peut très bien y avoir la moitié d'un chapitre qui est uniquement narratif. Et ça, pour le faire passer à l'audio, c'est pas forcément évident. Bon, déjà, il faut un bon narrateur, ce qui est pas évident du tout. Mais il faut également une ambiance sonore derrière, parce que sinon, si on n'a qu'une voix, même de qualité, en fait, on tombe dans le livre audio qui peut être très bien. Il y a un marché du livre audio, mais on n'est plus dans la saga MP3. On n'a plus cet habillage musical, cette ambiance sonore qui immerge l'auditeur comme on le souhaite. Donc, il faut trouver des musiques, hein, comme Silverson en parlait tout à l'heure, qui tombent bien. Et éventuellement donc une ambiance sonore avec si la scène se déroule dans la rue, avec des piétons, des voitures qui passent, tout un travail comme ça, c'est dans un amphithéâtre, des discussions, des bruits de fond. Donc c'est pas évident, parce qu'il faut que cette décor sonore soit là sans pour autant couvrir la narration, qui est quand même le but de l'écoute. Ensuite, il y a pour les dialogues, si vous pensez à d'autres choses, vous me dites, je vous passe la parole. Mais pour les dialogues, quand on part d'un livre écrit, un roman, il y a beaucoup de choses qui sont inutiles de mettre dans l'audio. Par exemple, toutes les incises de dialogue qui vont dire « un tel prend la parole », c'est pas la peine de le préciser, puisqu'on a un acteur pour chaque personnage, donc si on l'entend, on sait que c'est lui qui parle. Il y a aussi plein de petits détails. Si on précise à l'écrit qu'il y a quelqu'un qui se lève, qu'il y a quelqu'un qui tombe, qui boit un coup, plein de choses comme ça, ça on peut très bien le faire entendre par des bruitages. Et il faut réussir à nettoyer son texte le plus possible pour pouvoir mettre en avant l'audio et avoir une vraie plus-value du son sur le texte. Est-ce que vous pensez à d'autres choses ? Vous avez, alors, je passe le micro à Andro. Le fait d'épurer son texte pour le rendre plus acceptable à l'audio en retirant les incises est effectivement quelque chose de très vrai, mais qui n'est pas fait sur Red Universe. On a par exemple des narrateurs qui rajoutent des « répond-il » après des dialogues, mais c'est un parti pris de l'auteur pour effectivement rappeler en quelque sorte que ce n'est pas seulement une fiction sonore, mais aussi un texte qui peut être lu complètement à part. Et dans le cas où on enlève effectivement toutes ces incises, ça donne plutôt une pièce de théâtre qu'une fiction réellement. Voilà, juste pour ajouter ces deux mots-là. Ouais, alors bah, ça faudrait éventuellement que j'en parle avec Raoulito. Je savais pas qu'il mettait volontairement ses incises dans sa saga audio. Je pense que c'est dispensable personnellement. Faire comprendre qu'il y a un vrai texte publiable derrière qui peut être lu et qui suffit à lui-même, à mon avis, c'est plus le travail d'une communication à côté de son œuvre audio qu'un message subliminal à faire passer dans l'audio qui, au risque de le détériorer du coup. Passage de micro. Désolé. Donc, alors, juste pour éclaircir ce point, sur Red Universe, il y a quand même une relecture après le. Parce que les épisodes sont d'abord produits pour être de la fiction sonore et après être publiés en e-book. Et il y a un passage entre les scripts de la fiction sonore et la publication en e-book qui est une espèce de grosse relecture, adaptation livre. En fait, je me suis récemment retrouvé sur ce pôle-là, Red Universe. Parce que du coup, je suis récemment arrivé à Red Universe, c'est pas une blague. Mais après avoir décidé d'inviter. Enfin, voilà. Mais ce thème. Ce thème me tient particulièrement à cœur pour une raison qui est que ceux qui nous écoutent ne le voient pas, mais moi je vois pas, et du coup, je peux pas apprécier une œuvre cinématographique ou une œuvre vidéo comme tout le monde. Et une œuvre audio, c'était l'occasion, voilà, d'apprécier une œuvre particulièrement. Donc, je vais me permettre 2-3 remarques. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la liberté qu'on a d'imaginer quand on lit un ouvrage. C'est une liberté qui est toute relative parce qu'en fait, on imagine selon ce qu'on connaît nous ou selon les expériences qu'on peut avoir nous. Et du coup, c'est une liberté toute relative. Alors, c'est vrai que du coup, la fiction audio ou même la fiction vidéo nous cadre énormément. Mais du coup, on est aussi cadré. C'est pas parce qu'on lit un ouvrage. Voilà, notre imagination, elle est aussi bornée à nos choses qu'on connaît, etc. Voilà, donc c'est l'expérience que j'ai pu avoir. Vous avez bien souligné l'importance de l'univers sonore, enfin l'importance, la double importance, la question de l'adaptation du texte. Est-ce qu'on utilise le même texte à l'écrit et à l'audio, sachant que outre la question de l'adaptation du texte, il y a aussi la question des acteurs qui interviennent. C'est-à-dire qu'un acteur, quand il fait son jeu d'acteur, il peut très bien modifier un texte à l'audio. Sans toucher au script, donc en fait, voilà, il va rajouter des mots, modifier une expression parce qu'il trouve qu'elle est plus adaptée à son personnage, que son personnage utilise tel type de vocabulaire et que c'est beaucoup mieux, etc. Et du coup, il y a des échanges entre les acteurs et la rédaction, réalisation, relecture, et aussi des échanges au niveau de l'ambiance sonore. Et c'est vraiment un élément important. Adastria, tu veux reprendre le micro ? Je crois qu'Adastria va reprendre le micro et après on essaiera de prendre des questions si c'est possible dans la salle. Parce que du coup, on avait dit qu'on finirait vers 13h30 et du coup, ça nous laisserait un petit temps là entre d'ici à 13h30 de prendre des questions à la salle ou des remarques de personnes qui souhaiteraient poser des questions. Voilà. Merci. Alors juste pour resituer un tout petit peu, vous l'avez peut-être déjà compris, mais Red Universe du coup est écrit en tant que saga audio, puis ensuite essaye de s'adapter en livre publiable. Prototype, c'est plutôt l'inverse, c'est le livre publiable qui essaye de s'adapter à l'audio. Du coup, on est confronté à des problématiques très proches, mais quelque part inversées. Et j'aimerais reboucler peut-être sur la question du droit d'auteur pas été aussi évoqué que ça pour l'instant, à savoir que quand on adapte un texte à l'audio, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Déjà, si c'est un texte qui n'est pas publié, on va rendre le texte, même sous forme audio, sous forme narrative, on va le rendre disponible à n'importe qui, en général gratuitement, parce que dans les sagas MP3, tout se fait gratuitement. Donc, il y a un petit risque qui est pris, notamment auprès des futurs éditeurs, si on veut vendre son texte après. Le texte est déjà disponible gratuitement. Alors, est-ce que ça peut rendre frileux certains éditeurs qui vont se dire « Pourquoi j'irais publier un livre et l'imprimer à 1000 ou 10 000 exemplaires si le texte est déjà disponible gratuitement ?» Ensuite, si le texte n'est pas de nous, je pense à... il y a plein... Silverson, par exemple, qui adapte les dialogues mondains ou des... Pardon ? Ok. Et moi, j'ai essayé d'adapter un Jules Verne. Il faut faire attention au droit à ce moment-là. Soit on prend un livre qui a passé les 70 ans depuis la mort de son auteur, je crois, à vérifier. Dans ce cas-là, il est totalement libre de droit, on en fait ce qu'on veut. Sinon, on prend un livre avec l'accord de son auteur et souvent de sa maison d'édition, s'il est édité. Et il y a le respect du texte qui va se poser cette fois-ci, puisqu'on ne peut plus changer le texte en se disant « ça ne regarde que moi, si je veux enlever les incises ou si je veux enlever quelques phrases de la narration, je le fais sans problème ». Là, quand on adapte du Jules Verne et qu'on se dit « on va enlever la moitié d'une phrase », non, quoi, Jules Verne, ce n'est pas Jules Verne pour rien, s'il a écrit une phrase, ce n'est pas pour rien. Donc il y a une petite réflexion à avoir. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir trop peur d'adapter le texte dans une certaine mesure à l'audio, parce qu'on peut très bien respecter une œuvre en l'adaptant et en la transformant un petit peu à son nouveau support. Mais il y a des questions qui se posent au niveau de, voilà, de si on est propriétaire du texte ou si on n'est pas propriétaire du texte, et en plus de la diffusion gratuite que suppose l'audio. Du coup, j'avais dit au tout début que je m'intéresse beaucoup au droit d'auteur. Du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit Industria. Alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle le domaine public. C'est 70 ans post-mortem, 70 ans après la mort de l'auteur, en comptant l'année civile. Donc, quand l'auteur meurt, on termine au 31 décembre. Enfin, on termine l'année civile, on compte 70 ans. Tous les auteurs tombe ou rentre ou s'élève dans le domaine public le 1er janvier, en fait. Tous les 1er janvier, il y a une série d'auteurs qui rentrent dans le domaine public. À cela s'ajoutent des prorogatives pour mort pour la France. Donc ces années-là, actuellement, c'est un peu le cas parce que ceux qui sont morts en 43, en 44, d'auteurs français sont souvent morts pour la France. Et notamment, l'année prochaine, il y aura les œuvres d'Hitler qui rentreront dans le domaine public. Mein Kampf sera dans le domaine public. Je suis impatient de voir ce que ça sera. Anne Frank était censée s'élever dans le domaine public, mais la fondation Anne Frank réclame des droits. C'est un peu chelou. Mais du coup, Adastria parlait de respecter l'œuvre. Ce qu'il y a, c'est que là, en fait, on perd des droits patrimoniaux, mais il y a les droits moraux, qui sont le droit au respect de l'œuvre, qui sont ad vitam aeternam pour tous les descendants de l'auteur. Et du coup, c'est vrai que ça peut poser des questions, et notamment quelqu'un qui s'amusait à faire une suite des Misérables, et le descendant untel de Victor Hugo, il a dit « Non, ça ne respecte pas l'auteur, blablabla ». C'est le cas actuellement pour les œuvres d'Hergé. C'est un dénommé Nick Rodwell qui possède les droits de l'œuvre d'Hergé parce que c'est l'époux de la veuve d'Hergé. Donc en fait, il n'a rien à voir avec Hergé, mais c'est lui qui possède les droits et c'est lui qui fait chier tout le monde. La société Moulinsin est réputée pour être vraiment casse-couille et prendre au pied de la lettre le droit d'auteur. Oh, mais je me lâche. Hein. Alors il faut savoir qu'on parle de texte. Alors, il y a les exceptions de droits d'auteur qui ne sont pas des droits, mais des exceptions. C'est important à souligner. Et c'est l'exception de courtes citations. Mais en fait, ça s'applique qu'au texte. Tout ce qui est son, image, vidéo, en fait, c'est considéré comme reproduction, c'est considéré comme un délit de contrefaçon qui est un peu au même niveau que la profanation de tombe, en fait. Pour vous situer le délit, en fait, que beaucoup de gens diffusant des extraits sonores de jeux vidéo, de machin, ou sur les vidéos qui diffusent des extraits de vidéos, se situent au même niveau que les profanateurs de sépulture. Et je me suis lancé, ça n'a rien à voir avec l'adaptation en fiction, mais voilà, c'est mon dada, en fait. J'aime bien casser le droit d'auteur. On va passer aux questions, hein. Non, il y a Adastria qui... Pendant que les questions se préparent. Non, juste rajouter une petite précision à ce que vient de dire Silverson, et tu me corriges si je me trompe. Cette histoire de droit d'auteur, ça vaut aussi pour tout ce qui est peinture, tout ce qui touche au domaine de l'art. Et je sais que dans la salle, il y a des concepteurs de jeux vidéo qui cherchent des illustrations. Là, peut-être que ça vaut le coup aussi de chercher de ce côté-là. Il y a la fantasy, la SF, etc. Ça date pas des années 2000. Il y a aussi qui s'y sont penchés dans les années 1900. Et il y a probablement des illustrateurs qui ont fait des choses. Alors, faudrait peut-être tomber dessus, fouiller dans les archives, etc. Mais il y a peut-être des illustrations qui sont libres de droit à utiliser. Voilà, ça dépasse un peu le domaine de l'écrit, tout ça. On passe aux questions. Faut peut-être un micro dans la salle. Bah, si quelqu'un a une question à poser, qu'il la pose sur la table. Et bah, du coup, moi, je peux avoir d'autres questions. Mais on peut se poser des questions entre nous, hein, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi avoir rejoint, cher ami Andropovitch, pourquoi avoir rejoint l'équipe de Red Universe ? C'est pas exactement de la pub, c'est plutôt une histoire perso. C'est parce que je suivais Red Universe depuis un peu de temps. Il y a son créateur qui faisait des lives, qui présentait ce qu'il faisait. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. Et puis à l'époque, je m'embêtais un peu aussi. Du coup, au moment où il avait cherché des monteurs, je me suis proposé. Historiquement, Red Universe a toujours été à la recherche de monteurs, quelle que soit l'époque, et ce, presque depuis sa création, du coup, il y a 5 ans. Du coup, j'ai été accueilli chaleureusement, et j'ai ensuite pris plus de fonctions jusqu'à devenir assistant de réalisation. Voilà. Du coup, est-ce que tu me retournes la question ? Non, je n'ai pas le droit d'expliquer pourquoi j'ai rejoint Red Universe. Bon, bah, écoutez, j'ai le micro, j'en profite. Bah, moi, c'est un peu le même cas, c'est ils recherchaient des acteurs. Alors, en fait, j'ai envie de dire pourquoi, en fait. C'était il y a 3 ans, et il y avait l'été 2011, 4 ans, waouh. Et du coup, ils recherchaient des acteurs pour un épisode spécial pour l'été. Des spin-off en fait de la saga, et je devais faire un rôle. J'avais fait des essais, mais ce qui est, c'est que je partais en déménagement pour mes études à Lille. En fait, j'ai fait 6 mois d'études ici en fait, et le souci, c'est que j'étais pas disponible. Il fallait faire des reprises parce que j'avais pas bien enregistré, et du coup, il a dû rechercher un autre acteur en me disant, bah écoute, ce sera pour la prochaine fois. Et du coup, j'ai repostulé pour un autre rôle plus tard. Et voilà, en fait, j'ai rejoint l'équipe de Red Universe quand j'étais étudiant à Lille. Du coup, moi, ça m'a fait chaud au cœur quand je suis revenu. Là, hier, quand je suis arrivé, j'étais voir là où j'étudiais. Bon, il n'y avait personne, mais c'était cool. Voilà. Eh bien, merci beaucoup aux 4 participants, dont moi-même, effectivement, aux 3 participants qui ont accepté de venir ici. 3 participants plus un animateur. Merci aussi à la technique qui m'impressionne beaucoup. Et voilà. Alors en fait, vous avez compris, les invités ont faim.